Le lendemain, Hortense, qui mit le bracelet de Venceslas sous son oreiller pour ne pas s'en séparer pendant son sommeil, fut habillée de bonne heure et fit prier son père de venir au jardin des Tuileries dès qu'il serait levé. Vers 9h30, le père, condescendant à une demande de sa fille, lui donnait le bras et ils allaient ensemble le long des quais, par le pont royal, sur la place du Carrousel. « Ayons l'air de flâner, papa !» dit Hortense en débouchant par le guichet pour traverser cette immense place. « Flâner ici ?» demanda railleusement le père. « Nous sommes censés aller au musée. Et là-bas » dit-elle en montrant les baraques adossées aux murailles des maisons qui tombent à angle droit sur la rue du Doyenné. « Tiens, il y a des marchands de bric-à-brac, de tableaux. Ta cousine demeure là. Je le sais bien, mais il ne faut pas qu'elle nous voie. Et que veux-tu faire ? » dit le baron, en se trouvant à 30 pas environ des fenêtres de madame de Marneff, à laquelle il pensa soudain. Hortense avait conduit son père devant le vitrage d'une des boutiques situées à l'angle du pâté de maison qui longe les galeries du Vieux Louvre et qui fait face à l'hôtel de Nantes. Elle entra dans cette boutique en laissant son père occupé à regarder les fenêtres de la jolie petite dame qui, la veille, avait laissé son image au cœur du vieux beau comme pour y calmer la blessure qu'il allait recevoir. Et il ne put s'empêcher de mettre en pratique le conseil de sa femme. « Rabattons-nous sur les petites bourgeoises, » se dit-il en se rappelant les adorables perfections de madame Marneff. « Cette petite femme-là me fera promptement oublier la vie de Josépha. »